Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Yvonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème, et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Vivre avec les animaux, une série de Marie Chartron réalisée par Anne Fleury. Au départ de cette série, il y a ce territoire qu'on partage avec nos voisins omniprésents que sont les animaux. Et cette envie d'en savoir plus sur les liens qu'on tisse parfois sans le savoir, voire sans le vouloir quand il s'agit de la vermine. Alors pour commencer, les personnages. Un chercheur parasitologue, un dératiseur, une femme piquée, une historienne de la puce, un ethnologue des relations homme-animal et un historien du point de vue animal. Ensuite, le décor. La mouche tsetse, un laboratoire, des décolletés, des matelas, des épouillages, des rats, des dépressions, la folie, presque, la colonisation et la lutte des classes. Aujourd'hui, troisième épisode, on remonte le temps. 1947. En Afrique du Sud, dans les savanes de Zululand, c'est à l'échelle des moyens modernes que se livre aujourd'hui la guerre à la mouche tsetse. Ennemi des gazelles qui fuient au passage de l'avion semeur de nuages de DDT. Ennemi des troupeaux. Ennemi des hommes. Ennemi de tous les êtres, sauf du rhinocéros, que sa carapace défend contre toute piqûre d'insectes. La vermine, ennemi intime. Des laboratoires volants composés de vétérinaires parcourent cette région presque aussi vaste que la France entière pour protéger les troupeaux des ravages que la mouche tsetse en leur injectant la maladie du sommeil qui fait chaque année. Des dizaines de milliers de bêtes touchées par la maladie vont peut-être, grâce à ces précautions massives, échapper désormais à la mort-lente. Ce qui choque les gens, c'est le rat, mais ce qui va choquer les gens, c'est notre intervention. Parce qu'elle est physique, en fait. Il faut savoir qu'un rat, quand il est chez vous, ça va être un petit combat. Quand il est coincé dans une pièce, un rat, c'est comme un peu un chien qui est coincé, il va vous attaquer. Et comme il est très nerveux et très musclé, il va savoir lui mettre une plaque de colle pour un peu l'immobiliser et puis après, malheureusement, le finir, comme on dit. Alors, une recette. Vous voulez une recette qui était dans les remèdes de les manuels de savoir-vivre ? C'était des livres de recettes qui pouvaient aller de comment se débarrasser de la puanteur de ses pieds jusqu'à comment fabriquer un onguent pour avoir une belle peau. Et on trouvait des remèdes pour chasser la vermine. Alors prenez de la graisse de renard ou du lait d'ânesse et en frottez le lieu auquel vous vouliez qu'elles viennent. Et elles s'y assembleront. La plus traumatisante, c'était la grosse bombe, en fait, la grosse bombe chimique, parce que j'ai failli m'intoxiquer, en fait, avec ce produit-là. Non, mais j'ai tout utilisé au moment où je m'y connaissais pas, je mettais des parfums, en fait. Je me suis dit, peut-être l'alcool, ça va les tuer. J'imbibais mon matelas avec du parfum, du déodorant pour chiottes, enfin, n'importe quoi. J'étais dépassée, donc il y a eu ça. Après, il y a la méthode manuelle, on essaie de les écraser une par une, mais bien sûr, ça marche pas. J'ai changé de matelas, j'ai apporté un nouveau matelas. Donc aussi, on se débarrasse de ces affaires, donc il faut imaginer le coût. Un matelas, c'est quand même 400 euros, quoi, s'en débarrasser. On se croit au sommet de la pyramide, comme vous le disiez tout à l'heure, et puis on constate que ces bestioles peuvent être plus fortes que nous, qu'elles peuvent s'adapter à beaucoup de choses, déjà aux insecticides. Et puis ensuite, vous voyez, elle se met partout, elle voyage très bien, elle se colle à nous, on va où on veut, elle nous suit, elle est dans l'avion, elle est dans le bateau, elle est dans le train, elle est à la maison, elle est dans les choses qu'on jette, les matelas, elle a des capacités d'adaptation extraordinaires. Voilà, elle est là. Elle s'est proclamée animal de compagnie, installée chez vous, tout près de vous. Vous ne voulez pas l'adopter ? Lui donner un nom, peut-être ? Peu importe, elle vous aime et vous aimera toujours, à la folie. Ne vous inquiétez pas. Sachez qu'elle et ses amis ont accompagné Louis XIV jusque dans son lit de mort, Jules Vallès dans son exil à Londres et Varlane Chalamov dans l'enfer de la Colima. Ici, c'est un laboratoire d'hôpital, hein, l'hôpital à Vicennes. Donc nous faisons des analyses pour les malades, hein, à la demande des médecins, en parasitologie et en mycologie, les champignons. À droite, c'est le laboratoire de parasitologie. Les parasites, on en trouve partout dans l'organisme. Dans l'intestin, dans le sang parfois, sur la peau, les cheveux, bon, dans les urines. Donc on reçoit des cacas, des pipis, du sang, des crachats, des biopsies, des petits bouts de peau, tout ce que vous voulez. Et on travaille sous des hôtes, hein, il y a plusieurs hôtes, pour aller rechercher ces parasites. Et puis, une petite spécificité du labo, il y a des jeunes qui travaillent sur, je ne sais pas, sur quoi elles travaillent, Dalia ? Sur les punaises de lit. En fait, c'est des punaises de lit amenées par les patients. Et je fais de la biomol sur ces punaises de lit pour voir si elles sont résistantes aux insecticides ou pas. Qu'est-ce que c'est de la biomol ? C'est la recherche de l'ADN. Parce que on a parfois des mutations qui leur confèrent une résistance à ces insecticides. Et là, j'ai une petite punaise de lit. Mais oui, ouais. Petite, oui. Pas si petite. Pas si petite que ça, oui. Très visible à l'œil. Assez dodue, je oui. dirais. Ok. Voilà, donc on a fait le tour. Vous voyez que c'est tout petit. Hein. Après, il y a les bureaux, hein, des médecins, des biologistes, une salle de réunion, etc. Docteur Areski Isri, vous êtes chef du service de mycologie parasitologie de l'hôpital Avicenne à Bobigny, à côté de Paris. Et j'aimerais vous demander ce qu'est un parasite, en premier lieu. Un parasite est un animal qui vit aux dépens d'un autre animal. Je parle des parasites animaux, hein. Il y a aussi des végétaux, des champignons, etc. Donc nos parasites sont des arthropodes en général, mais ça peut être aussi des vers, des protozoaires qui vivent à nos dépens. Donc le parasite qu'on a appelé parfois la vermine, qu'est-ce que c'est la vermine ? Ça, vous me plongez dans l'histoire des poux. Les poux ont toujours existé depuis la nuit des temps sur l'homme. Vous savez, il y a des poux adaptés à chaque animal. Nous, on a trois espèces de poux qui nous parasitent depuis toujours. Le poux de tête, le poux de corps et le poux du pubis ou le morpion. Et autrefois, on pensait que les poux sortaient de l'organisme humain. On pensait que c'était un peu la pourriture lorsque l'homme pourrissait. Et on appelait ça la vermine. C'est vrai que quand on examine un poux qui est en train de se nourrir, il a le rostre enfoncé dans la peau et il est dressé presque à la perpendiculaire par rapport à la peau. Donc on a l'impression que c'est un ver qui sort de la peau. On a appelé ça la vermine. Et par analogie, on a tendance à appeler vermine d'autres espèces animales de parasites, comme les punaises, comme les puces. En fait, on faisait aussi beaucoup référence à la saleté. Hein, c'est la vermine, quelqu'un qui est sale. Bon, tout ça est dépassé. Hein. Aujourd'hui, je crois qu'il faut changer de terme. On a un parasite, les poux ne touchent pas que les gens sales, et puis ce ne sont pas des vers. Si on fait un petit peu d'évolution, apparemment, cette communauté des humains et de leurs parasites ne date pas d'hier. Oui, les parasites existent sur l'homme ou dans l'homme, ça dépend desquels on parle, depuis toujours. L'homme est parasité comme tous les animaux. On en retrouve des traces ? Oh oui, si vous regardez les momies égyptiennes, vous retrouvez des poux, hein, vous retrouvez des lentes. Pareil pour les momies indiennes, enfin, on retrouve des traces depuis la plus haute antiquité, hein, ça, il y en a. En fait, ce que je peux dire là-dessus, c'est que les parasites sont des animaux qui s'adaptent facilement, je parle des animaux bien sûr, chaque parasite a un type d'hôte. Les poux se sont tellement bien adaptés à l'homme que vous les retirez de la tête des humains, ils meurent. Vous les mettez sur un autre animal, ils meurent. Ils ne survivent que sur l'homme. Vous savez que les poux, à un moment donné, ils avaient la réputation de ne toucher que les gens en bonne santé. Les poux vous donnent la santé. Donc on est costaud, on est velu, on a une grande barbe comme ça. c'est qu'on est en bonne santé, là on a des poux. Et puis alors, ça avait tellement bonne réputation que dans certaines communautés, religieuses notamment, pour choisir le chef de la communauté, tous ceux qui avaient une grande barbe se mettaient autour d'une table et posaient leur barbe sur la table et un pot au milieu. Et c'était le pot qui choisissait le chef. Voilà un exemple de littérature, si vous voulez, ancienne. Vous pouvez trouver tout ça dans Dobby. Pucelette, noirelette, noirelette, pucelette, dirais-je que notre bien est petit auprès du tien, quand caché sous l'enflure de cette belle vouture qui élève en rang son sein, tu rassasies ta faim, mordillant audacieuse sa gorge délicieuse. Camille Ledos, vous êtes historienne, éditrice, et vous avez consacré un livre à une histoire culturelle de la puce à l'époque moderne, donc du 16e au 18e siècle. C'est ça, oui. La puce, de la vermine aux démangeaisons érotiques, qui croise l'histoire naturelle, la littérature, la peinture, même les manuels de civilité. Et beaucoup de poètes utilisent la puce comme un motif littéraire. C'est-à-dire que cette puce, qui a le plaisir de gambader librement sur le corps des femmes, à leur insu d'ailleurs, a émoustillé, a donné la puce à l'oreille en fait à ces poètes qui s'imaginent être transformés en puce, un peu comme Jupiter qui se transforme en taureau, etc., pour profiter des femmes. Donc eux se métamorphosent en puce pour aller sur les endroits du corps auxquels ils voudraient accéder, mais où ils n'ont pas forcément le droit. Et il y a notamment un recueil de poésie qui est très significatif, qui s'appelle « La puce de Madame Desroches », qui date donc du XVIe siècle, de 1579, je crois. Pendant les guerres de religion, il y a du beau linge, on va dire, parisien, qui se déplace à Poitiers et qui va voir deux femmes qui font salon, donc Catherine Desroches et sa mère. Et lors de cette assemblée, une petite puce est en train de gambader sur les seins de Catherine. Et à ce moment-là, donc tout le monde est, on va dire que toute cette assemblée là de parlementaires, etc., a été moustillée par cette vision et se dit bon, on va consacrer donc tout un recueil de poésie à cette petite puce qui a le privilège de gambader sur leur muse Catherine. Et ce qui est en fait, c'est un énorme recueil de poésie. Et ce qui est amusant, c'est que c'est en pleine guerre de religion, alors que tous ces parlementaires sont déplacés à Poitiers pour des raisons politiques, finalement, ils prennent le temps d'écrire sur une puce. Je trouve ça, c'est extraordinaire. Il y avait comme un monde enchanté, quoi. Bienheureuse sera l'heure quand il faudra que je meure, si comme toi, je me meurs entre ces douces douceurs. Quelle est la définition de la vermine ? En fait, la définition de la vermine évolue tout au long de l'histoire, mais en gros, l'époque moderne se fonde sur la classification aristotélicienne des animaux, c'est-à-dire sous forme de pyramide, et tout en haut, on a l'homme parfait, juste en dessous la femme, et puis tout en bas, on a la vermine, c'est-à-dire les insectes. En fait, c'est la masse grouillante, quoi. En fait, on rentre dans un monde, à l'époque moderne, et puis avant l'époque moderne, dans un monde qui n'est pas forcément le nôtre, c'est-à-dire que avoir des poux, avoir des puces, c'est le lot de tout le monde et ça grouille vraiment partout. C'est tout à fait normal de les avoir dans son lit, de les avoir, enfin notamment pour la puce, de l'avoir dans son lit. Ouais. Une compagne de lit. C'est une compagne de lit, oui. En fait, la puce a une place privilégiée, je dirais, parmi la vermine. Cette expression qu'on connaît tous, avoir la puce à l'oreille, donc c'est-à-dire être alerté, être éveillé par quelque chose, par une information, en fait, a une autre origine, une origine beaucoup plus érotique. Avoir la puce à l'oreille, c'est aussi être éveillé par des démangeaisons amoureuses. Donc la puce qui pique la nuit, en fait, émoustille, par exemple, deux amants. Et dans les tableaux du XVIIe et du XVIIIe siècle, on voit ce sont toujours des femmes qui sont associées à la chasse à la puce. Alors, il est possible que dans la vie quotidienne, c'était davantage les femmes qui épouillaient, qui épuisaient leurs compagnons. C'est tout à fait possible. Mais il y a aussi comme un motif pictural. Alors, on peut prendre l'exemple du tableau de Georges de la Tour, où on voit une femme, donc c'est en clair-obscur, la scène est éclairée par une bougie, et on voit cette femme qui donc mène une chasse à la puce et qui a eu l'air d'en attraper une, parce que souvent, on l'écrase entre deux ongles. Et ce qui est très intéressant, et ce qu'on retrouve dans toutes les chasses aux puces, c'est cette impression d'intimité. C'est tous ces tableaux qu'on voit, même quand on les observe au XXIe siècle, on a l'impression d'être un voyeur. C'est-à-dire qu'on a l'impression de regarder à travers le trou de la serrure. C'est des scènes qu'on ne devrait pas voir. C'est-à-dire que ces femmes qui cherchent... Alors là, dans Georges de la Tour, effectivement, elle a un décolleté béant, mais malgré tout, elle a l'air plus sage que les autres chasseuses de puces qui sont peut-être un peu plus lascives que celles de Georges de la Tour. En tout cas, ce sont des gestes, normalement, qu'on n'a pas forcément le droit de voir. C'est-à-dire qu'il y a tout un processus sous l'Ancien Régime, ce que Norbert Elias a appelé la civilisation des mœurs, où on tend à écarter les corps, c'est-à-dire à renvoyer dans l'intimité des choses qu'on faisait complètement en public. S'épucer, s'épouiller, on voit ça dans le livre de Le Roi Ladurie à propos de Montaillou, on enlève ses poux, on enlève ses puces en public, devant tout le monde, dans les villages, ça pose pas de problème. En revanche, il y a tout un processus à partir du XVIe siècle et du XVIIe siècle, où on veut vraiment dresser les corps. Et c'est-à-dire que s'épucer, s'épouiller, on ne peut plus le faire en public, c'est plus possible. C'est devenu quelque chose, en tout cas pour la dite haute société, ce n'est plus possible. C'est une façon, des élites, de se distinguer du reste de la population. Les acheteurs de ces tableaux, c'était des membres de la bourgeoisie citadine. Ce sont des fantasmes complètement masculins. Hein. Puis souvent, la chasseuse de puces peut être une prostituée. Ou alors, ça peut être une jeune fille qui est en train de perdre sa virginité. Quand on voit une pucelle, tout à fait, pucelle. Et puis certains dictionnaires étymologiques, en tout cas à l'époque, donnaient une sorte d'origine commune. Alors que en fait, il n'y en a pas forcément. Mais par contre, on joue sur les mots. Pucelette, pucette, etc. Et en fait, quand on voit une jeune fille qui s'enlève une puce et qui la jette dans un pot, dès qu'on voit un pot de toute façon rond dans un tableau de cette époque, ça représente le sexe féminin. Et le fait de l'avoir jeté les puces, ça veut dire qu'elle elle n'est plus pucelle et elle perd sa virginité. Et souvent, on voit ou deux hommes égrillards qui l'observent, ou on a, ou c'est Marthe et Marie, c'est-à-dire que la puceuse, c'est la femme érotisée, etc. Et on a l'épouilleuse qui, en revanche, la bonne mère de famille, qui enlève la vermine des cheveux de ses enfants ou qui épouille son mari. Insectes des grains stockés, insectes volants, insectes rampants, cafards, fourmis, le lasioderme du tabac, le charançon du blé, le tribolium de la farine du riz, sylvain, vrillette du pain, capucin des grains, lictus brun, pyrale de la farine, pyrale du cacao. Mais en fait, pyrale de la farine, c'est très répandu dans les boulangeries et on les retrouve dans les emballages alimentaires. Et ça se multiplie énormément. Ça se règle très facilement aussi. Que des noms très poétiques en tout cas. En dessous, on monte en grade, la blatte américaine, la blatte germanique et la blatte orientale. Ça ressemble presque à une blague. Voilà, le cafard en général qu'on retrouve ici, c'est plutôt la blatte germanique. Hein. Je ne sais pas si c'est lié à la guerre d'avant ou pas, mais c'est celle qui est plus répandue. La plus résistante peut-être. Sans doute, sans doute. Petit précis de géopolitique ou comment apprendre à distinguer entre les ennemis. Cette punaise alpha, il semblerait que je l'ai importée de Russie. Elle a passé la frontière et elle résiste à tout. Seule son homologue américaine, endurcie par tout un arsenal chimique, est susceptible de lui tenir tête. Il semblerait aussi que l'humain, dans sa folie de démiurge, ait détruit les prédateurs naturels des punaises de lit. Oui, je crois que l'homme... voudrait bien éradiquer les poux, voudrait bien éradiquer les puces, voudrait bien éradiquer les anopheles. Mais ça, c'est la nature. On ne peut pas éradiquer des espèces comme ça. Elle revient toujours, la nature, au grand galop, comme on dit, hein. L'un des meilleurs exemples, c'est les punaises de lit. Les punaises de lit. Il y en avait à peu près partout dans le monde. C'était connu. Moi, je me rappelle, tout petit, je voyais des gens qui avaient des punaises de lit. Un de mes premiers séjours à Paris, c'était dans le 18e arrondissement. C'est un souvenir inoubliable. L'appartement était infesté de punaises de lit. Oh là là, c'était des piqûres douloureuses. Et puis, l'homme a inventé les insecticides. Ça remonte à 1939 déjà avec le DDT. Puis rapidement, d'autres insecticides. Très rapidement, les insectes sont devenus résistants. Alors qu'on avait une très forte réduction de la population de punaises de lit, alors que des générations entières n'ont jamais vu une punaise de lit, alors qu'on pensait avoir gagné la bataille, la guerre, voilà qu'elle revient tranquillement et en force. C'est la même chose pour beaucoup de choses, hein, pour les punaises de lit, pour les anopheles et pour beaucoup d'insectes. Et les poux. Quand le microscope a été mis au point au tournant du XVIIe siècle, un des surnoms qu'on a donné au microscope, c'est lunette à puce, parce que ça a été un des sujets qui a été le plus observé par cet appareil scientifique. Camille Ledose. Parce que derrière ce tout petit grain noir, historienne, grâce au microscope, on s'est rendu compte qu'il y avait un appareillage, mais extrêmement complexe, notamment l'appareillage de ses pattes arrière qui la font faire des bonds de, je crois, 150 fois sa hauteur. Enfin, et c'est vrai que quand on découvre toutes ces micrographies, ça c'est toute une tradition de la... sont des scientifiques du XVIIe siècle, comme Hooke ou Griendelius, qui ont observé des tout petits insectes et qui en font les dessins. Et là, on découvre mais des zoos extraordinaires. La puce est un animal absolument incroyable, avec sa trompe, et effectivement, elle fait l'objet d'admiration. C'est-à-dire que la chasse à la puce, c'est une chasse qui est compliqué. Donc les chasseuses, alors que finalement le poux, il est lourdeau, il s'accroche à des lentes, elle est plus sportive, voilà. C'est une chasse plus sportive que celle au bout du pont. Avant le microscope, la puce, elle n'essaie même pas de la reproduction sexuée. Ce serait de la poussière, ce serait des urines qui a trempé dans la poussière. En fait, elle naît de la génération spontanée, de l'ordure, de la fiente, enfin de trucs, de substances dégradées. En revanche, arrive avec l'apparition du microscope, on se rend compte qu'elle pond des œufs. On commence à analyser très précisément son cycle biologique. Et surtout, parallèlement, il y a des expériences qui sont menées grâce à ces microscopes sur la génération spontanée. Ça change complètement, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un autre monde et puis on voit son appareillage. Et je pense qu'il y a... Il y a une forme d'admiration, en tout cas du point de vue des scientifiques, sur cette puce. Et d'ailleurs, il y a des poèmes de l'époque qui se moquent des scientifiques, considérés comme des gens pas très sérieux, parce qu'ils s'amusent à disséquer les puces et à les observer. Et il y a l'apparition de cirques à puces et du dressage. Oui, de dressage de puces qu'on trouvait dans les attractions au 19e siècle. Il y avait le signor Bertolotto, un Italien, qui a eu un cirque à puces qui a fait le tour du monde et qui a même écrit une histoire de la puce dans laquelle il raconte ses techniques de dressage. Il avait toute une nurserie, on va dire, à puces, comment il les nourrissait. Et il se compare à un berger qui aime ses moutons. Ces cirques, on les trouve jusqu'au début du XXe siècle, jusque dans les années 20 même. Oui, alors on les trouve surtout au cours du XIXe siècle. Et puis le fait qu'on fasse le lien entre la puce et la peste, donc c'était les pestes, les épidémies de peste sont surtout liées à la puce du rat, hein, c'est pas la puce du l'homme. En tout cas, c'est en 1899 où on fait vraiment le lien entre la puce et la peste. On arrive dans un monde qui est complètement différent, donc la puce se met à faire peur. Donc ces animations, on va dire, de foire commencent, tendent à disparaître, oui je dirais c'est jusque dans les années 20. C'est atroce, hélas, insupportable. Tu dors. Debout. Chasse le sommeil de ton talon. La bête s'est dégagée de nos filets, elle n'est plus là. Terrassée par le sommeil, j'ai perdu ma proie. Alors la punaise de lit est un insecte, c'est-à-dire que c'est pas un acarien, c'est un insecte. Un insecte, ça a trois paires de pattes. Areskiserie. Et l'espèce qui nous parasite le plus souvent, c'est Simex lectularius. C'est des petits insectes qui mesurent, allez, pour l'adulte, à peu près la moitié d'un centimètre. C'est brun, ou brun-roux, la couleur brun-roux. Ça ne se nourrit que de sang humain aujourd'hui, même si autrefois la punaise était peut-être un parasite des chauves-souris, et puis quand on vivait dans les grottes, elle est passée sur nous, et depuis qu'elle nous a goûté, elle a goûté à notre sang, elle ne veut plus rien d'autre. Elle s'est tellement adaptée à l'homme qu'elle ne se nourrit que sur l'homme. La femelle pond des œufs qui sont minuscules, moins d'un millimètre, à peu près la taille d'une lente de poux. D'ailleurs, c'est un peu la même couleur. C'est un peu grisâtre, blanchâtre. Et les œufs sont collés sur le support où la femelle les a pondus. L'œuf éclot assez rapidement, en moins d'une semaine. Il donne une toute petite punaise, minuscule, qui fait la taille de l'œuf, c'est-à-dire moins d'un millimètre, mais qui déploie ses pattes, ses antennes. Elle n'a pas d'ailes, elle ne vole pas, elle ne saute pas. Ça court comme une fourmi. Voilà. Cette petite punaise qui vient au monde, a faim, comme tous les bébés qui viennent au monde, elle va tout de suite aller chercher à se nourrir, et donc elle va piquer un sujet. C'est un insecte nocturne. Habituellement, ça se cache dans la journée, ça ne vit que la nuit, ça ne se nourrit que la nuit sur l'homme. Donc où est-ce qu'on va la trouver ? Dans le lit. D'où son nom de punaise de lit. Voilà, le bébé fait son premier repas de sang, il va aller se cacher pour digérer. Il lui faut à peu près aller moins d'une semaine pour digérer son repas de sang, et ça lui permet de faire une mue, de changer de coque, si vous voulez, de paroi, hein, de peau. Voilà. C'est comme ça que grandissent hein, les insectes. Donc elle grandit, elle devient stade 2, qui va faire la même chose, va aller se nourrir, digérer pendant une semaine en se cachant, subir une mue pour un stade 3, stade 4, stade 5, avant de devenir un adulte mâle ou femelle. Et les femelles fécondées vont pondre jusqu'à aller entre 200 et 500 œufs au cours de leur vie. Voilà, les adultes en général ne vivent pas très longtemps. Hein. Ils vivent, allez, pour les punaises, on va dire 3 mois. Mais avec tous les stades, ça fait presque un an, voire un peu plus d'un an. Et apparemment, elles peuvent pratiquer le jeûne. Alors, une punaise de lit peut rester, peut attendre tranquillement. Si vous n'êtes pas là, elle va vous attendre. Si vous partez en vacances, elle vous attend. Elle peut attendre un mois, deux mois, trois mois facilement. Nariman est militante du DAL, l'association Droit au Logement. Elle a mené auprès de personnes dont le logement était infesté par les punaises de lit un travail de prévention et d'accompagnement en région parisienne. En connaissance de cause, puisque cette conversation intime avec la punaise, elle l'avait entamée plusieurs années auparavant. C'était en plein été, donc il faisait très très chaud. Donc j'étais en sous-location. Ça date de 2010 en fait. Donc je me souviens que donc ça remonte, ça fait un petit moment, mais j'en garde encore un vif souvenir parce que c'était assez assez fort et traumatisant. En fait, je travaillais en plus en tant que serveuse, donc de nuit, je rentrais et j'avais besoin de calme et de repos pour récupérer pour pouvoir travailler le soir d'après. Et donc j'avais sous-loué cet appartement qui était pas loin de la place d'Italie. Et je me rends compte que ça gratte en fait. Ça gratte et ça gratte très fortement. Et surtout que j'ai des espèces de points rouges un peu partout sur, en fait, sur les articulations. Donc ça se passe au niveau des poignets et beaucoup aussi au niveau des jambes. Donc c'était en plein été, donc c'était visible. Rien que d'en parler, ça me gratte encore en fait. Je vois. C'est parce que ça reste très très vif dans la mémoire en fait. Et du coup, je commence à me poser cette question de c'est quoi, qu'est-ce qui me gratte, j'arrive pas à dormir, je suis réveillée quand même un peu toutes les nuits. J'allume la lumière en pleine nuit et là, on voit des bestioles, des toutes petites bêtes noires qui se baladent sur votre lit. Si on les écrase, ça va étaler du sang sur tout le matelas, ça va étaler aussi du sang sur les murs. Donc il y a un côté où vraiment on se sent très sale et un peu honteuse d'avoir ces espèces de pustules qui grandissent le lendemain à vitesse grand V. Et qui va falloir en plus montrer ça au boulot, montrer ça aux amis, montrer ça aux proches, aux intimes. Au début, on pense que c'est des puces, donc on sait pas très bien. On se dit peut-être même que c'est des cafards, mais un cafard, enfin, ça mord pas. Alors, en sous-location, on peut pas trop demander au propriétaire, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cet immeuble. Et puis on se rend compte qu'en fait, il y a des petites taches noires aussi tout au long de la fenêtre, Bon, après, il y avait plein d'autres choses dans cet appartement. Il y avait aussi des souris, mais ça, je l'ai découvert plus tard. Donc, en fait, j'étais vraiment dans un appartement insalubre. Donc, ça étant, ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'ai un peu appelé mes parents. À l'époque, j'étais étudiante, j'appelle mes parents, je leur dis, voilà, ça me gratte, j'ai une espèce de matelas atroce, je sais pas ce qui se passe, mais je pense que c'est des puces de lit. Ma mère qui retrouve des punaises. Alors, je me dis que c'est des puces, en fait. Et en fait, on découvre après seulement que c'est des punaises, mais ça, il faut un peu creuser. Et puis, ma mère, elle a ses souvenirs d'enfance où, en Kabylie, là où elle vivait, enfin, là où elle allait tous les étés, il y avait ces trucs de punaises, en fait. Et donc, elle me dit, non, c'est des punaises de lit. Et ton matelas, je pense qu'il en a infesté. Donc, elle vient et on essaye de s'en débarrasser ensemble, mais en fait, je m'en débarrasse jamais. Et la réalité, c'est que pour moi, au bout d'un moment, à force d'être fatiguée parce que je dormais plus, j'ai déménagé. En laissant tout ce qu'il y avait dans l'appartement. En laissant tout ce qu'il y avait dans l'appartement au prochain sous-locataire. Donc il y a un sentiment de culpabilité très fort, en plus d'emmener les autres aussi dans sa propre merde, en fait. Et du coup, on se retrouve, en fait, à avoir honte, à plus inviter personne. Et en fait, on mesure pas aussi le degré de contagion. Donc en fait, il y aura toute une période où on va se rendre compte qu'on a invité plein de gens à la maison et on va ressasser de toutes les personnes qui ont potentiellement emmené ça chez eux quand on découvre qu'en fait, c'est très très facile de transporter des punaises de lit et que c'est très très facile d'avoir de la contagion. Et donc après ça, j'ai essayé différents moyens, chimiques notamment. Alors bien sûr, je pouvais pas m'adresser à la mairie parce qu'en étant en sous-location, je pouvais pas être visible. Et donc j'ai essayé de me débarrasser de ça toute seule. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté plein de choses et qui étaient extrêmement dangereuses, notamment des bombes en fait chimiques. Et puis là, en fait, on se rend compte qu'on est à deux doigts d'intoxiquer tout l'immeuble parce que c'est pas du tout adapté. J'étais quand même dans un 9 mètres carrés et je me suis retrouvée à des moments où je pense que si j'étais restée dans l'appart avec cette bombe-là, j'aurais eu une forte intoxication. Et donc on essaye plein de choses, on voit que ça se débarrasse pas, et donc au bout d'un moment, on commence à vraiment être déprimé parce que l'obsession. L'obsession, ça gratte tout le temps en fait. On se réveille, ça gratte, ça pullule, et on dort pas. Et donc ce que je faisais, c'est que j'allumais la lumière parce que on se rend compte au bout d'un moment qu'elle fuit quand la lumière est allumée. Et donc j'avais ces espèces de caches-yeux qu'on met dans les avions pour se protéger de la lumière, et je dormais comme ça, la lumière allumée avec les caches-yeux. Et après, en fait, et ça conduit, et ça, j'ai pu voir et partager les problèmes avec plein d'autres personnes, mais à des problèmes d'addiction ensuite, en fait. On se met à boire, pour essayer de s'assommer, pour t'endormir, en fait. Et donc, vous avez bu, fumé, voilà. Tout ce qui peut favoriser le sommeil profond. Exactement, de manière à un peu à s'assommer. Ou bien, je regardais des séries super tard la nuit. Je me souviens, je regardais en boucle Mon Oncle Charlie. C'est nul en plus. Je repassais les séries en boucle. Donc il y avait un côté très obsessionnel où je tournais en rond en fait. Mes forces m'abandonnent. Mes forces m'abandonnent. Mes forces ne tiennent plus sur mes jambes. Je ne tiens plus sur mes jambes. Mes mains bougent toutes seules. Mes jambes sont figées. Alors nous, on nous appelle technicien d'hygiène 3D. Alors les 3D, c'est pas l'imprimante 3D. L'hygiène 3D, c'est dératisation, désinfection et désinsectisation. Donc ce qu'on retrouve couramment, le cafard, la mite alimentaire. Le plus courant, c'est le cafard. Le plus traumatisant pour les gens actuellement, c'est punaise de lit. Patrick Lucas. Il faut savoir que la punaise de lit, il y a une phrase qui est assez symptomatique, c'est « la punaise se réveille quand vous vous dormez ». Donc ça touche aussi à votre équilibre de sommeil, parce qu'en plus, elle va s'attaquer au sommeil profond, qui est le sommeil le plus réparateur. C'est-à-dire, lorsque vous allez dormir, vous allez dégager un petit sas de CO2 qui est constant, et c'est là qu'elle se réveille et qu'elle est terrible. Donc actuellement, le problème de la punaise, c'est qu'on est passé en 2017 à 200 000 interventions, pas notre société, mais l'ensemble de la profession, et en 2018-2019 à presque 400 000. Après, il faut savoir qu'on en le retrouve dans des cinémas, on peut en retrouver dans des avions, on peut en retrouver dans des chauffeurs Uber, des taxis. C'est pas un problème d'hygiène, je le répète encore une fois, parce que c'est nous les humains qui les transportons, et c'est activé à travers le sommeil. La thermogenèse va activer la punaise. C'est-à-dire que vous pouvez entrer dans un appartement qui est infesté au niveau le plus fort. Il faut savoir que le niveau le plus fort, c'est un niveau 4. Hein. C'est un niveau qu'il va falloir signaler à la mairie. Vous pouvez nous dire les différents bien niveaux. Bien sûr, vous avez un niveau 1, c'est-à-dire que vous êtes piqué, mais vous ne voyez rien, en fait. Le niveau 2, vous allez les voir et être piqué. C'est-à-dire que là, vous commencez à ne plus être dans le déni. Parce qu'il faut savoir que dans le problème des punaises, il y a beaucoup de déni de la peur de la punaise, mais aussi du phénomène qui n'est pas forcément connu. Le niveau 3, la punaise grimpe au mur. C'est-à-dire qu'elle est dans une démarche de faire des nids. Il faut savoir que les nids de punaise, c'est très persistant. Mais lorsque vous la voyez grimper au mur, là, c'est que vous avez déjà vraiment laissé traîner. Et le niveau 4, vous avez carrément des nids, tous les 30-40 cm, qui font des taches d'encre noire. Et plus vous laissez tarder, et plus les nids prennent du volume. Voilà. Alors, des niveaux 4, il faut savoir qu'on en rencontre pas souvent. Hein. C'est un ou deux, tous les 2-3 ans. Mais c'est assez grave pour que nous, on signale ensuite en amont à la mairie de l'arrondissement. Parce que, quoi qu'il arrive, il y a beaucoup d'appartements qui seront infestés à cause de ce niveau 4. Il faut savoir qu'un niveau 1, 2 ou 3, vous n'allez pas infester vos voisins. La punaise ne traverse pas les murs, c'est pas un super-héros. Par contre, elle reste, une fois qu'elle est déposée dans un appartement ou à travers des valises, donc un petit conseil en hôtel ou en notion d'hébergement, les valises loin du lit et surtout pas en dessous les lits. Pierre Bellemare, en 1982, dans l'émission « Vous pouvez compter sur nous ». Bonsoir. Chers amis, les locataires de 3 immeubles ont participé hier soir entre 20h et 21h à l'expérience que nous avions lancée sur cette antenne pour lutter contre l'envahissement des cafards. En effet, après avoir reçu les lettres de Mme Roland de Fontenay-sous-Bois et de Mme Desbois, qui habitait un immeuble rue Curiel à Paris, nous avons tenté, je dis bien tenté, d'obtenir l'accord du plus grand nombre de locataires pour permettre de désinsectiser les 10 immeubles. Alors Gilles Schneider est là, et Gilles, je voudrais que vous nous parliez un petit peu des appels reçus sur Europe 1, car il est évident qu'il y a plusieurs catégories. Alors d'abord, les immeubles où on a réussi à désinsectiser totalement. Que s'est-il passé ? Bon, ben, c'est très simple. Là où ça a été, il n'y a plus de cafards, ce sont les endroits où l'immeuble a été désinsectisé totalement. C'est-à-dire où on est passé partout, mais je dis bien partout. Sans exception. Sans exception. Alors là, le dossier est probant, pas de problème là, depuis plusieurs années, plus de problème de cafards. Alors maintenant, deuxième dossier, ceux où on n'est pas passé partout. Alors voilà, alors ceux où on n'est pas passé partout, eh bien ça recommence. Et ça recommence assez vite ? Ça recommence, dans 2, 3, 4 mois, les cafards reviennent. Bien. Alors, on a un exemple, je crois, d'ailleurs, des prétextes que donnent certains locataires pour ne pas laisser entrer le désinsectiseur. Oui, on s'imagine qu'il y a la participation financière, qu'il y a... Mais non, pas du tout. C'est parfois pour des raisons qui peuvent paraître un peu bébêtes, pardonnez-moi l'expression, mais un locataire, par exemple, dans un immeuble, refuse d'ouvrir sa porte parce qu'il a peur que les produits tuent ses poissons rouges. Oui, bon. Ce qui est faux, ça ne tue pas les poissons rouges. Mais enfin, peu importe, il le croit. Il ferme sa porte au désinsectisé. Il y a donc un seul appartement qui n'est pas désinsectisé, à chaque fois... Tout l'immeuble voit réapparaître les cafards. Ni Dieu, ni homme, ni bête, elles sont nées pour le mal. Elles sont nées ni pour Dieu, le mal. Ni Dieu, ni homme, ni bête, elles sont nées pour le mal. Elles vivent dans l'ombre, le tartare sous la terre. Mal et le tartare sous la terre. Fuis-les pourtant, ne te laisse pas aller. Elles te poursuivront le long de tout un continent. Par-delà les mers et les villes battues par les flots. Après... J'ai travaillé un peu dans le domaine, notamment avec le DAL. Je suis allée dans beaucoup d'appartements infestés pour voir comment vivaient les personnes et pour essayer de documenter ça pour qu'on puisse mener ensuite une action là-dessus. Et donc j'apprends, comme ce que je disais tout à l'heure, à pas faire ressentir la honte sociale aux gens quand je vais chez des gens qui ont des punaises de lit. Je dis toujours, c'est pas une question de propreté, faut pas en avoir honte. Tout le monde est touché, au rite ils en ont. Le roi, il en avait, on va aussi un peu se détendre là-dessus. Mais j'avais tout à fait conscience qu'en m'asseyant chez les gens, ou même ne serait-ce qu'en marchant et en ayant éventuellement des punaises sous mes pieds, enfin sous mes chaussures, je pouvais en ramener à la maison. Et du coup, je disais rien aux gens, je faisais comme si de rien n'était, parce que je sais à quel point c'est culpabilisant et on se sent honteux. Donc j'allais chez les gens, je m'asseyais sur leur canapé en ayant tout à fait conscience que potentiellement j'allais en attraper. Et je rentrais chez moi et je me déshabillais sur le palier et je lavais tout à 60 degrés. Et donc il y a ce truc où au bout d'un moment, quand on développe les réflexes et qu'on connaît, j'ai eu des amis qui ont eu des punaises de lit, je vais chez eux, je m'assois toujours sur des chaises en plastique, quoi. Et donc ils me regardent et ils savent pourquoi je m'assois sur les chaises en plastique. Et je leur dis, mais je vous aime beaucoup, mais moi je rempile pas en fait, sur une deuxième saison en fait. Hors de question. L'Assemblée nationale. Vu l'article 34.1 de la Constitution, vu l'article 136 du règlement de l'Assemblée nationale, invite le gouvernement à veiller à prendre la mesure du phénomène de la prolifération des espèces punaises de lit et à dégager des pistes de réflexion visant à engager un plan de prévention, d'action et de lutte contre les punaises de lit qui pourrait contenir les mesures suivantes. La reconnaissance des punaises de lit comme un problème de santé publique, un fonds d'urgence pour l'endiguement des punaises de lit ainsi qu'un plan national d'éradication des punaises de lit, un plan national de prévention quant aux risques liés aux punaises de lit, une interdiction pour les entreprises privées d'employer des insecticides inefficaces et nocifs pour la santé et l'environnement, un encadrement tarifaire des interventions des entreprises privées, voire la création de services publics municipaux de désinsectisation, une prise en charge du financement des interventions par les propriétaires avec un fonds d'aide pour les propriétaires les plus pauvres, la mise en place d'un fonds d'indemnisation en faveur des personnes les plus démunies ayant dû jeter leur mobilier, la mise en place d'un service de ramassage des meubles infestés, l'inscription des punaises de lit dans le plan national santé environnement 4 de 2020-2024. La députée du Val-de-Marne, Mathilde Panot, a présenté avec son groupe parlementaire La France Insoumise une proposition de résolution visant à adopter un plan de lutte contre les punaises de lit. Avec des collectifs, des associations et des scientifiques, elle a très tôt lancé à Marseille une campagne nationale contre les punaises lors d'une conférence de presse, quand la tendance générale était plutôt à l'indifférence. Aucun mort n'étant à déplorer, ce n'était pas une priorité. En fait, j'ai commencé à bosser sur les punaises de lit à Grigny, quand je bossais en association. Et vraiment, pour le coup, il y avait des gens... Moi, j'ai vu des familles entières dormir par terre, des familles qui prenaient des antidépresseurs parce qu'ils n'arrivaient plus à dormir, même des gens qui avaient envoyé leurs enfants autre part parce qu'ils ne pouvaient pas vivre là et que leurs enfants faisaient des allergies, à tel point que le bailleur social avec lequel on travaillait nous disait que lui, il pensait qu'il y aurait des suicides sur le parc social si ça continuait. On a réussi sur le quartier à pas endiguer complètement le phénomène, mais en tout cas à faire que ça redescende fortement et que les situations soient réglées les unes après les autres, qu'on redevienne dans une situation normale. Et donc, à l'époque, nos interlocuteurs, notamment l'Agence régionale de santé, refusaient de s'occuper des punaises de lit parce que ce n'était pas considéré comme un problème de santé publique. Et donc, moi, ça me tenait à cœur qu'on avance sur cette question-là. Parce que on est dans un moment de prolifération extrêmement forte. Marseille étant un des exemples les plus frappants. Je parlais des 12 écoles maternelles et primaires, mais vous avez aussi la bibliothèque, un service d'urgence, un EHPAD, des foyers d'étudiants, d'ailleurs pas qu'à Marseille, mais un peu partout, des prisons. Fleury-Mérogis me disait qu'ils avaient régulièrement des punaises de lit. Donc là, vous êtes obligé de mener une politique publique quand vous êtes arrivé à ce niveau-là d'infestation. Et du coup, plus le gouvernement attend pour s'occuper de cette question-là, et plus on devra mettre de l'argent sur la table pour pouvoir y arriver. Et lorsque je parlais des produits chimiques que nous, on veut interdire, pourquoi est-ce qu'on veut interdire ces produits chimiques? C'est à la fois pour la santé des habitants, pour laisser les prédateurs éventuels des punaises s'attaquer à ces punaises de lit, et puis surtout arrêter de sélectionner les punaises de lit les plus résistantes, parce que ça, pour le coup, c'est coûteux et inefficace. Et ça, c'est une des choses qu'on demande notamment dans cette résolution. Vous êtes ethnologue, Julien Bondaz, maître de conférence à l'Université Lyon 2, et vous avez travaillé sur les rapports entre humains et rongeurs en temps de guerre. Oui, tout à fait. Une des dernières enquêtes ethnographiques que j'ai conduites en Afrique de l'Ouest portait sur les interactions entre les Bamakois, les habitants de Bamako, la capitale du Mali, et les rongeurs dans un contexte, donc en 2018, où effectivement... Le pays était depuis longtemps, et continue d'être d'ailleurs, en situation de conflit. Et ce qui m'intéressait, c'était d'interroger la question des pratiques de dératisation dans un contexte où par ailleurs circulait dans les propos de certains journalistes, de certains internautes, de Maliens, une comparaison, une métaphore assez classique hein, entre la lutte contre les djihadistes et la dératisation. Et donc il était question... de dératiser le Nord-Mali dans une série de propos qui m'avaient interpellé. Par définition, la lutte dans le Nord-Mali, elle repose sur un brouillage des catégories entre les combattants et les populations civiles, et c'est tout l'enjeu et toute la tragédie de ce type de conflit-là, qu'il puisse y avoir une confusion. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'ennemi de l'intérieur, effectivement, ou en tout cas du caractère sournois, la capacité de l'ennemi d'apparaître et de disparaître, etc. Ça fait écho à quelque chose de beaucoup plus universel, c'est-à-dire la construction d'analogies entre des espèces animales nuisibles et des ennemis humains, en quelque sorte. C'est un ressort assez classique d'animaliser, et en l'occurrence de ratiser, si on peut dire, les personnes qu'on souhaite par ailleurs exploiter, combattre, voire anéantir. C'est une analogie qui existait aussi dans le contexte colonial. Mais dans le contexte colonial, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une sorte de réversibilité, puisque d'un côté comme de l'autre, on peut considérer le colonisé ou le colon comme relevant du parasite. Et ça, c'est un point qui est intéressant, mais c'est aussi le moment où se développe la science spécialisée dans l'étude des parasites, qu'on appelle la parasitologie. Le grand moment de la parasitologie, c'est l'entre-deux-guerres, avec des recherches qui sont conduites, notamment, par exemple, sur le typhus à l'Institut Pasteur de Tunis, et la découverte aussi, dans les années 20, du typhus murin, qui est intéressant parce que, contrairement au typhus qu'on appelle exanthématique, le typhus murin, il se transmet des rats aux humains. Donc ça m'intéresse dans mes recherches. Et il est transmis par les puces du rat. C'est-à-dire qu'on va déparasiter les populations colonisées ou les terres colonisées. Tout à fait. Il y a un enjeu essentiel à l'époque de lutter contre les maladies qui affectent la main-d'œuvre coloniale, en quelque sorte. Et de lutter contre les dégâts causés dans l'agriculture, dans la mise en valeur des colonies. Mais il y a aussi, en fait, des récits religieux, notamment autour de la puce. On a des légendes, par exemple. La puce aurait été inventée par Dieu pour châtier les méchants. Donc, on a des choses comme ça. On a aussi la puce. Alors, je crois que ça, c'est une légende... Camille Ledoz. Bretonne. Enfin, je crois que c'est une légende bretonne où je crois que c'est Dieu qui passe à côté, qui voit une pauvre femme qui n'a rien à faire, qui est oisive. Alors ça fait partie... La puce a servi aussi dans la poésie à illustrer les présupposés défauts des femmes. Hein, voilà. Donc, notamment l'oisiveté. Donc, vous voyez une pauvre femme qui, d'un coup, a eu énormément d'argent, et donc elle ne sait plus à quoi se prendre. Donc, elle demande à Dieu, oh, s'il te plaît, fais quelque chose, hein, parce que là, je m'ennuie trop. Et donc, Dieu invente les puces et lui balance des puces. Donc, comme ça, elle peut au moins s'épucer, elle peut au moins s'occuper. Donc, en fait, la puce, qui a une place un peu particulière, elle est entre Dieu et diable. C'est-à-dire qu'elle est quand même, en tout cas, dans certaines légendes, elle est inventée pour châtier les méchants. Mais elle est aussi du côté du diable, elle a les attributs du diable. Le diable, il est associé à la nuit, il est associé à la couleur noire, comme la puce. Et puis, il est aussi associé à la femme. Donc, c'est la puce et la femme, ils oscillent, en fait, entre ces deux mondes. Ces animaux, la vermine, ce sont les animaux les plus terrestres. Éric Baratet, hein, historien. Les animaux qui grouillent dans la terre. Et les animaux qui grouillent dans la terre, en Occident, on n'aime pas. Hein. Alors que dans d'autres civilisations, en Égypte ancienne, les animaux ctoniens, c'est-à-dire les animaux de la terre, pouvaient au contraire être très bien vus. Nous, on ne les aime pas parce que la terre est considérée comme le centre du monde. Mais aussi, c'est à l'intérieur de la terre qu'il y a l'enfer. Et la terre est composée des substances les plus matérielles, les plus noires aussi. Plus on descend dans la terre et plus on est dans le noir. Et les démons qui habitent l'enfer, au centre de la terre, sont noirs eux-mêmes. Et à l'inverse, plus vous êtes un animal qui arrive à se détacher de la terre, et plus vous changez de couleur et plus vous allez en direction du ciel, c'est-à-dire de Dieu. Donc l'analogie qu'on peut faire entre la vermine et certaines catégories d'hommes qu'on juge inférieurs, qui a pu se faire à certaines... Bien sûr, tout à fait. Tout simplement parce qu'on a adopté, on a plaqué sur l'humanité le même schéma pyramidal. Par exemple, on en a parlé pour les juifs. Hein, la vermine juive, c'est quelque chose... Les juifs qui grouillent, on trouve ça dans la littérature antisémite du 19e siècle, dans les caricatures antisémites, hein, on représente les juifs sous la forme d'animaux grouillants et qui sont prêts à prendre possession du monde, soit même ils ont pris possession du monde. On a fait ça pour le monde humain, on a fait ça pour les classes sociales, on parle aussi des classes inférieures, des classes supérieures, le monde prolétaire, le monde paysan, il est attaché à la terre, c'est la vermine prolétaire. Hein. C'est le même schéma qui est appliqué à tout ça, et qui a vraiment conditionné le monde occidental. Comme un chien sur les traces d'enfants blessés. Nous suivons la piste de son sang qui coule goutte à goutte. Après toutes ces fatigues, de quoi briser un homme ? Nous n'arrivons plus à respirer. Quand ça se passait en périphérie urbaine et entre pauvres, on n'en faisait pas grand-chose, quoi. Enfin, on n'en parlait pas beaucoup et ça restait un problème. Seulement, ce problème, nous, on le connaît depuis très longtemps, en fait, en banlieue ou même en campagne, chez des propriétaires un peu pauvres qui n'arrivent pas à se débarrasser par eux-mêmes des punaises de lit. Maintenant que ça commence à toucher le 16e arrondissement, le Marais, et notamment avec le tourisme, avec Airbnb, et ben là, ça commence à être entendu comme un vrai problème de santé publique, en fait. Et surtout à New York aussi, je pense que c'est aussi beaucoup le fait que New York, qui est un centre-ville hyper dynamique, ait commencé à alerter sur cette question-là, parce qu'eux, ils ont des fortes chaleurs, donc aussi, il y a aussi un problème environnemental, c'est-à-dire que si on a de plus en plus de punaises de lit, c'est parce qu'il n'y a plus des hivers assez rigoureux qui les tuent. Et du coup, en fait, on commence à avoir le côté un peu dystopique qui fait peur à tout le monde de l'invasion des punaises de lit. Alors si on tire le fil de la dystopie et qu'on y va carrément, comment on imagine un monde infesté par l'insecte transclasse ? À mon avis, honnêtement, ça risque d'arriver très très rapidement s'il n'y a aucune solution qui est mise en œuvre. Il suffit de se voir en un an, un appartement qui est loué par Airbnb, le nombre de visiteurs qu'il y a. S'il y en a un qui arrive, et la probabilité est très très forte, qui ramène une punaise de lit, c'est fini, l'appartement est infesté. Et c'est toutes les personnes qui vont venir après qui vont prendre des punaises de lit avec eux et infester aux quatre coins du monde leur appartement avec des punaises de lit. Et en fait, dans un monde dystopique où tout le monde a des punaises de lit, c'est un monde où le peu de gens qui seront encore pas infestés, ils vont devenir super parano. Il y a un côté aussi de... Après, ça peut réunir les classes aussi, d'avoir un problème commun pour une fois. Une paix se jette dans l'oreille des masses qui de nuit et de jour me fait piller ma porte et me fait devenir fou. Une mêle du puits donné, je cours de ça, je cours de là, ôte la bouée, me tire la bouée, je t'en prie. Oh, toute belle se courbouée, oh, toute belle se courbouée. Quand mes yeux... C'était... La vermine, ennemi intime. Elle vient me piquer, me démanger, me poigner et me garde de dormir. Avec Camille Ledoz, Areski Isri, Nariman, Éric Baratet, Julien Bondaz, Mathilde Panot et Patrick Lucas. Merci au cœur des parasités, Nathalie, Claire, Nicolas, Rafi et Audrey, à Marie et aux militants du DAL. Enregistrement Thomas Robin et Loïc Duros. Mixage Alain Joubert. Un documentaire de Marie Chartron et Anne Fleury. Je cours de là, monte la bouée, le tire la bouée, je t'en prie. Oh, toute belle se courbouée, oh, toute belle se courbouée. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter en vous grattant, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs, et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire, qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, dernier épisode, Chien fidèle et paria du pavé. Et désormais à l'antenne tous les jours à 23h55, juste après LSD, la chronique Le Monde Vivant de Bruno David ausculte le règne animal. Mais en attendant, restez à l'écoute.